sa phalange portera la trace de son alliance, arrachée juste avant de sonner chez moi, mais je m'en fous. Il ne sera pas le plus clean de la journée, n'aura pas l'idée de me donner un peu plus, mais je m'en fous. Qu'il pense trop dégueulasse, mais je m'en fous. S'il savait tout ce que j'ai déjà entendu, et bien pire encore tout ce que j'ai fait, mais je m'en fous. Il ne sera qu'un amant de plus en attendant celui qui m'aimera. Sans payer. Il ne sera qu'un amant de plus en attendant celui qui m'aimera. Sans payer. Il ne sera qu'un amant de plus en attendant celui qui m'aimera.